club ou cathédrale, faites de la place. Faites entrer Raïdes qui la basse tremble. Les cœurs montent, les murs s'effondrent. Pas le temps de poser, je viens sceller la danse. Chaque mot coupe, chaque phrase balance. Je suis pas là pour te plaire, je suis là pour gravir. Et c'est mon nom que tu retiens quand t'as sauté. Et so it comme le cœur d'un démon. Mais l'orgue chante encore mon prénom. Faites entrer Raïdes qui shake the floor. The speakers blow. Raïdes qui est dans la vibe, dans la salle, dans le beat, dans la cloche qui sonne, dans le sang qui crépite. Club noir, foule en transe. Et l'enfer lui-même lui fait de la distance. Chaque syllabe est une vérité brute. Chaque drop est une salve sans chute. Et le cœur, il chante pour sa gloire. Même les anges dansent sous le miroir. Faites entrer Raïdes qui est, no mask, no fake. He shake the floor like an earthquake. Call his name. The system shakes and the gospel sings. He breaks the bread. Raïdes qui est, hey, c'est pas un nom, c'est un sort. Faites entrer Raïdes qui est, fermez les portes.